Ok. Ouais. Ok. Scream. S1, PTOMS. Yeah. Ok. Ok. Yeah, ok, yeah. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Devine ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. La vie est un grand combat contre soi-même. Un putain de combat face à la mer. Plus dure est la bataille, plus la victoire est belle. Lâche pas l'affaire dans cette vie sinon t'es dead. Un message d'espoir pour toutes les âmes prises. Dites-vous bien qu'au bout du compte, le bonheur existe. Et ouais, la vie m'a mis des claques en pleine face, des claques de malade. Je me balade dans la rue Poissard, le brassard de l'équipe. Des mecs qui avancent dans le brouillard, ceux qui reculent, c'est les trouillards. J'imagine mon avenir, c'est le trou noir. Les trous de balles n'y pensent même pas, mais la galère te fait avancer. Les soucis dans ta vie sont une putain d'essence. Entre les coups de pute, les coups de poisse, les coups de poignard, les coups de blouse, les coups de trappe, les coups de batte, bâtard. T'avances en espérant avoir un jour un coup de chat. Et une galère te reviendra en pleine face comme un nunchak. La vie c'est ça, pélo, des bas, des hauts, tu peux pas esquiver. Mais faut que tu te battes, lâche pas le steak, finis pas les civets. La vie est un grand parcours d'obstacles. Si tu te bats pas, tu te prends des claques. Et si tu résistes, eh ben t'évites les tacles. Des putains de tacles à la cantona. La vie passe mieux quand t'en as. J'te parle de couilles et de cogite, pas de dollars. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Devine ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. La vie est un grand combat contre soi-même. Un putain de combat face à la merde. Plus dure est la bataille, plus la victoire est belle. Lâche pas l'affaire dans cette vie sinon t'es dead. Un message d'espoir pour toutes les âmes tristes. Dites-vous bien qu'au bout du compte, le bonheur existe. Quand t'es au plus mal, mon pote, quand t'es au plus bas, remonte, la vie est brutale et peut te briser le moral d'un homme. Mental d'acier ou homme faible, ta vie c'est pas une fête. Un des deux s'en sortira, mec, je te laisse le choix à faire. Même le mec le plus sensé mettra du temps avant de remonter. Se cassera la gueule des tonnes de fois avant d'y arriver. La vie un putain de combat, tu te prends des putains de coups bas. L'impression de te faire enculer, mal jusqu'au trou de balle. Il te faut un putain d'entourage, il te faut des nerfs bétonnés. Fixe-toi un objectif pour essayer de grimper la pente. La pente, elle est trop raide, ça craint. Ma vie, sûrement pas. En train de se la glander dans des draps de satin. Les bras de Satan, je fais tout pour y échapper. Les bras de maman, je donnerai tout pour y retourner. Car elle sera encore là, je me poserai moins de questions. Ma vie serait plus facile pour cette seule bonne raison. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Devine ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. La vie est un grand combat contre soi-même. Un putain de combat face à la merde. Plus dure est la bataille, plus la victoire est belle. Lâche pas l'affaire dans cette vie sinon t'es dead. Un message d'espoir pour toutes les âmes tristes. Dites-vous bien qu'au bout du compte, le bonheur existe. On n'a qu'une seule vie et elle est courte, mon pote. Faut profiter un max et tu le feras pas si t'es au fond du gouffre. La différence entre un gagnant et un loser, c'est que le loser qui trace monde avec des remords, avec la rage, la haine, la force et le courage, la force de l'âge et le soutien de l'entourage. Tu peux écrire les plus belles pages de ta vie, car comme on dit, quand on veut on peut, mec. Et si tu lâches l'affaire dans ta vie, moralement tu peux d'aide, mec. Dis-toi qu'il y a pire que toi et que la roue tourne. Dis-toi que ce qui ne tue pas te rend plus fort et plus c'est tout. Dis-toi que dans la vie, pour chaque truc y'a un contraire. Y'a le bon et le mauvais, comme y'a les rêves et les cauchemars. Avoir les deux pieds dans la merde, ce n'est qu'une passade. Ce n'est qu'un passage, ouais, ce n'est qu'une bataille de plus à livrer dans un monde de merde. Et oublie pas, plus dur est le combat, plus la victoire est belle. Mon grand-père m'a appris que l'énergie de la vie décrit un cercle, un flux circulaire parfait. Il disait que tant que je n'aurais pas de centre, ouais, mon cercle ne serait jamais entier. J'ai su tout de suite quel était mon centre. Ok. Elle me complète. Yeah, yeah. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Devine ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. La vie est un grand combat contre soi-même. Un putain de combat face à la merde. Plus dure est la bataille, plus la victoire est belle. Lâche pas l'affaire dans cette vie sinon t'es dead. Un message d'espoir pour toutes les âmes tristes. Dites-vous bien qu'au bout du compte, le bonheur existe. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Yeah. Scream, ok. Yeah. Ta vie n'est pas un long fleuve tranquille. Devine ce qu'il faut que tu fasses pour t'en sortir. Yeah. Ok.